il crépit. Le souffle est suspendu. L'orgue profond résonne. La prière s'élève. Dans les rues sombres, l'espoir se murmure. Rare est-ce qu'il avance, guidé par ses rêves. Les ombres dansent au rythme du feu. Chaque pas résonne, chaque souffle est jeu. Sur Twitch, les âmes cherchent la lumière. Entre les drops, la foi devient prière. Le temps s'arrête, les regards se croisent. Riders qu'il veille, jamais il ne se lasse. Le combat est long, la nuit est froide. Mais dans chaque cœur brûle la flamme d'orage. Les femmes chantent sous les étoiles. Leur voix s'élève, casse le silence. Chaque note porte la force vitale. Dans la tempête, elles lancent leur danse. Sur Twitch, les esprits se rassemblent. Pour les drops sacrés, leur voix tremble. Red est-ce qu'elle écoute l'âme apaisée. Dans ce temple, la guerre. La ville gronde sous les pas lourds, le bitume tremble sous nos amours. Rider's Guild trace sa route sacrée, dans chaque drop une vérité. Le souffle court, le regard fixe, chaque nuit un combat épique. Twitch est la scène, les viewers sont là, pour chaque victoire on pousse la loi. Les chaînes tombent, les cœurs s'élèvent. Le chant s'envole, jamais il ne trêve. Sur le beat lent, nos voix s'unissent. Dans chaque goût, la paix jaillit. Riders Guild marche, fier et droit. Face aux ténèbres, il fait sa loi. Les drops pleuvent, éclat d'espoir. Dans chaque regard, un nouveau départ. The organ hums, the slide guitar weeps. Echoes of faith in shadows deep. Riders Guild stands unbroken strong. Leading us through nights so long. Drops like tears fall soft and slow. Twitch united, spirits glow. In this battle, hearts align. Together marching down the line. Les sabots frappent, le pavé mouillé. Le rythme s'accélère, la foule est enflammée. Riders Guild porte le flambeau sacré. Sur Twitch, les cris ne cessent jamais. Chaque drop est un cri d'espoir. Un appel à l'union, loin du désespoir. La guerre continue, la foi grandit. Dans ce chaos, la lumière survit. Le silence revient comme un souffle léger. Mais sous la surface, tout peut exploser. Nos âmes veillent, pas nos pensées. Demain renaît, prêt à lutter. Riders Guild sourit, prêt à guider. Sur Twitch, les viewers sont liés. Par les drops, par la passion. Dans ce monde, une seule raison. Whispers rise in sacred halls. Calling out. Stands firm and true. With every drop, we start anew. Twitch is light in darkest night. Guides us all with faith and might. Through the storm and through the fire. we hold on till morning light. Le feu s'allume, la bataille s'enflamme. Riders kill men, la voix qui clame. Sur Twitch, la foule exulte en chœur. Les drops tombent, source de vigueur. Chaque visage est un héros. Chaque nom inscrit dans la peau. Dans ce temple, la guerre est sainte. Dans notre champ, la victoire pointe. The city sleeps, but hearts ignite. Riders' skills fire, burning bright. Drops decide.